Salut tout le monde! Salut! Oula, il y a un truc de changé là. Salut tout le monde! Salut! Raph, t'entends pas comme un truc différent? Si, je te l'ai dit la dernière fois, il y a une fille dans l'émission. Ah oui, c'est vrai. Pour apporter un avis féminin sur l'actualité, pour égayer un peu l'émission, tout ça, quoi. Non, les quotas. Ok, bon. Salut Quota! Moi c'est Morgane. Salut Quota Morgane! Salut Morgane. Désolé, mais c'est Raph qui a préparé ce truc, donc je découvre au fur et à mesure. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Des assassins et Aurélien. Des assassins? Aurélien. Oui, mais des assassins! Et moi? Ah, salut Aurélien, ça va? Ça va. Toi par contre, t'as pas l'air bien rassuré. Il y a des assassins qui rôdent. Yann, ce sont juste des cosplayers d'Assassin's Creed. Un déguisement, si tu préfères. Ah! Mais pourquoi tu vas pas commencer par là, Raph? J'adore te voir flipper pour rien. Toujours aussi sadique, on va se marrer. Tout le monde est prêt? Ouais. Alors c'est parti pour la troisième des animés. Salut à tous et bienvenue dans cette troisième émission des Allumés. Oui, le lancement avait vraiment fait son temps. Et comme un grand vent de changement souffle en ce moment un peu partout, on verra bien où ça nous mène. Aujourd'hui, émission spéciale Assassin's Creed avec plein de surprises en perspective. Mais avec moi, et là, ce n'est pas une surprise car lui, il ne changera jamais. J'espère bien. Vous l'avez reconnu, Raph. Ça va? Ça va. Et avec nous aujourd'hui, pour nous accompagner, on a Morgane qui est là pour nous parler de... Alors, un sujet de société et des nouvelles du jeu vidéo. Merci beaucoup. Et voilà qui est fait pour le côté gaming. Et pour le côté ciné, on accueille Aurélien. Salut. Alors, tu vas nous parler de quoi, Aurélien? Deux films qui nous parlent de la France d'aujourd'hui. Deux films bio, deux films locaux, comme on les aime. Et avec nous aujourd'hui, ils ont rejoint la confrérie des assassins et embrassé leur credo. Mais rassurez-vous, ils ne sont pas dangereux. Enfin, je crois. Personne n'a de l'âme secrète dans le coup? Non, c'est bon. Parfait alors. De précaution, valent mieux qu'une. Car aujourd'hui, on reçoit Stéphane de la faction assassin officielle et créateur de la série Les Assassins du Temps. Et Bétiane de la faction aussi, et la scénariste. Eh ben ça promet. Les allumer. Avant de commencer l'émission, on démarre par une bonne nouvelle. Nos invités du mois dernier, les Nurses, ont gagné leur tremplin. Vous pourrez donc les retrouver dans la programmation du festival Paroles et Musique. Mais on va s'occuper de nos invités de cette semaine. Alors vas-y Raph, première question pour eux. Alors, présentez-vous, qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Des assassins. Nous sommes donc la faction assassin officielle. On est une association basée sur Lyon qui a lancé une web série sur Assassin's Creed, en fait, qu'on intitule donc Les Assassins du Temps. D'accord. Vous êtes tous lyonnais? La majorité, sauf un qui habite à Saint-Chamond. Ah oui, d'accord. Donc vous avez fait de la route pour venir nous voir aujourd'hui, en fait. Oui. Et c'est quoi votre objectif? Votre association, elle sert à quoi, entre guillemets? En fait, l'association, elle va servir à aller en convention dans les différents... les Japan Touch, tout ce qui est en rapport avec soit le jeu vidéo, soit le manga, les trucs comme ça. Et faire en fait la promo, avoir encore beaucoup plus de personnes qui peuvent nous rejoindre, des cosplayers d'Assassin's Creed, voilà, des Templiers, des Assassins ou même des figurants qui veulent nous rejoindre. On arrive à avoir beaucoup de monde en convention. Et comment on peut vous rejoindre? Comment on intègre la fraction? Bah en fait, pour ceux qui veulent être vraiment, on va dire, entre guillemets, acteurs, voilà, de la web-série, un cosplay d'assassin ou un cosplay de templier, pour vraiment ceux qui veulent être acteurs principaux, et figurants après, voilà, c'est un peu tout le monde. Et pour nous rejoindre, c'est assez facile, c'est soit on nous trouve quand on est en convention, sinon on a quand même un site internet, ou même sur Facebook, tout bêtement, il faut nous contacter, parler du projet qu'on a, acteur ou pas, et voilà. On nous demande. Parler de web-série, vous devez bien vous y connaître en cinéma. En plus, on a une bonne actu ce mois-ci et on va s'offrir un petit tour d'horizon. L'actu ciné. Après avoir rappelé des souvenirs plus ou moins bons à tout le monde, on va revenir sur le nouveau film assez différent de cette image lointaine et enfantine. J'aurais une question pour vous, est-ce que selon vous c'était une bonne idée de faire un film aujourd'hui sur Power Rangers, sachant que la licence a quand même quelques années? Pas du tout. Pourquoi? Pour moi, pas du tout, parce que la Power Rangers, enfin justement, la licence Power Rangers, c'est quand même le truc qui s'est terminé, quoi. Enfin, plus personne n'en parle, plus d'actualité, on ne le voit plus à la télé, sauf erreur de ma part. Il y a une nouvelle série tous les ans depuis 93. Sérieux ? Oui. À la télé encore ? Oui. Ok, donc c'est vraiment qu'on n'est plus la cible. Mais ouais, non, moi j'ai l'impression que c'est un truc mort et enterré, quoi. Enfin, vraiment, il y a des licences qui reviennent, notamment Tortue Ninja qui avait fait un retour, machin, et qui s'était bien actualisé. Power Rangers, j'ai l'impression que ça fait quand même très, très ringard, très nanardesque. Enfin, je sais pas, c'est l'impression que ça me donne, quoi. Je suis force bleue, je suis force rouge. Enfin, je sais pas, j'ai du mal avec, avec la licence. Quels souvenirs vous en gardez des Power Rangers, tous autour de la table ? Des figurines. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de figurines et très peu de la série, par contre, en vrai. Le général, mais par contre les figurines, j'ai toujours les miennes dans un carton, planquées quelque part. Aurélien, une réaction ? Ah ouais, un truc drôle, un truc ridicule, un truc auquel en fait, moi je me rappelle en fait, on regardait ça avec ma soeur et mes cousins et on s'identifiait à ça, donc il y avait un espèce de jeu qui était drôle là-dedans, mais en même temps en fait, tous les épisodes étaient les mêmes, tous les épisodes se répétaient à chaque fois, c'était exactement le même schéma narratif qui était appliqué. Et mais en même temps, c'était ça qui faisait le voilà, le côté drôle du truc parce que tu feignais en tant que gamin la surprise mais sachant qu'il y en avait aucune quoi. Et c'est bien après en fait, voilà, moi je regardais ça mais je sais pas quand j'étais tout gamin, quand j'avais 20 piges, que j'ai appris la réalité de cette série, que en fait, c'était des images d'un côté du Japon et des images américaines mis ensemble, et moi je trouve ça à hurler de rire quoi, c'est quand même à hurler de rire. Donc c'est pour ça moi j'ai pas vu le film mais je me demande ce que ça peut donner. Peut-être que un jour je le garderai je sais pas un soir d'hiver crevé, fatigué. Après, l'avoir téléchargé, parce que pour moi payer 8€ de place de cinéma pour aller voir ça, je trouve ça absolument hors de question quoi. Et bah, par conscience professionnelle, je suis allé le voir. Bah déjà félicitations. Ouais, je l'ai tenu là, toute la durée, et autant vous dire déjà que ça n'a plus rien à voir avec la série, donc je sais pas comment les gamins qui regardent encore la série aujourd'hui vont s'identifier au film, mais c'est beaucoup plus mature, ça se veut vachement plus adolescent. Est-ce que justement c'est ciblé, c'est pas du tout les mêmes cibles de la série et du film ? L'intro du film, l'introduction des personnages, c'est calé sur le Breakfast Club, pour ceux qui connaissent. Oula non, pas ma génération, c'est désolé. Vrai. C'est un film pour adolescents de John Hughes, donc c'est un pur teenage movie. Donc oui, c'est ciblé jeune quoi. Voilà, les gamins qui voulaient voir les Power Rangers, les ordres, les trucs, ils vont les trouver, mais à côté de toute une terminologie et tous des codes qui sont de films d'adolescents purs et durs. Ça parle de sexe, il y a un personnage qui est lesbienne, enfin, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'étaient les Power Rangers. Ah oui, quand même. Ça a bien évolué. C'est sombre. Est-ce que c'est sombre ? Ça se veut sombre, en tout cas, mais c'est un peu les 4 Fantastiques, le remake, mais aimé par le web, en fait. D'accord. C'est plus les Power Rangers qui auraient rencontré tous les codes de films de super-héros actuels et ils auraient fait un film. Mais je crois que c'est ça, en fait. Je crois que c'est le côté aussi très hollywoodien de, on vous prend un vieux truc et en fait on vous le remet au goût du jour tout le temps et tout le temps et tout le temps et encore et encore et encore. C'est le phénomène qu'on voit, on l'a vu avec Tortue Ninja, ça avait commencé, et puis Disney qui se remet à remasteriser tous les trucs en physique, entre guillemets, avec des vrais acteurs. Emma Watson pour La Belle, il y avait avant Le Livre de la Jungle qui a été refait aussi avec Mowgli en live et puis que de la 3D autour quoi. Mais ouais, il y a ce phénomène de, je sais pas, de retour en arrière. On crée plus des films, on les remasterise quoi. Et bientôt il y aura le Roi Lion. Ouais, j'ai vu, ouais. Ça par contre j'irai le voir. Ça promet. Donc en tout cas, pas du tout convaincu par l'idée d'aller voir ce nouveau film Power Rangers. Non. Même pas par nostalgie. Ah non. Non. Je préfère garder les bons souvenirs de la série. Bah j'irai le voir. Ah ouais. Mais j'aime bien pourquoi aller voir des. Enfin, pourquoi tu irais, qu'est-ce qui t'intéresserait d'aller le voir ? Power Rangers souvenir. Ah, la nostalgie, ça marche. Hein. Les effets spéciaux d'avant et les effets spéciaux de maintenant aussi, ça va jouer un petit peu. Ah, il y en a un qui est pas d'accord. Ça va, j'irai sans lui. Hein. Moi, je suis plus Bioman. Hein. Bah, Bioman, c'est aussi un Super Sentai, mais c'est plus vieux. Franchement, mais... parce qu'après, Power Rangers, c'est une petite amélioration de Bioman. Pour moi, hein. C'est pas... Ah, Bioman, par contre, n'est pas au programme. Hein, de... Ouais, c'est dommage. Hein. je te le dis. C'est dommage, mais bon. Bon, on va s'écouter un petit extrait de la bande-annonce de ce nouveau Power Rangers, histoire de se faire une idée. Aucun de nous connaissait vraiment les autres. On est tous des ratés. Mais bizarrement, on était tous au même endroit, au même moment, quand Billy a trouvé ses pièces. Regardez, on brille, les gars. Moi, je suis bleu. Et moi, noir. Quoi ? Si, c'est vrai ! Non, tu déconnes ! Tu te sens bizarre ? On est fort. Incroyablement fort. La réponse à ce qui vous arrive se trouve ici. Tous les 5, vous êtes les Power Rangers. Vous venez de dire qu'on était des Power Rangers? C'est une blague ou quoi? On parle à un mur. Je m'attendais à mieux que vous cinq. Je sens qu'il y a une réaction qui va sortir là. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Je confirme, j'y vais pas. Ouais, moi non plus. Rien que la bande-annonce, pour moi, c'est l'effet nanar. Enfin, c'est ringard, quoi. Les Power Rangers qui brillent. Voilà, c'est... Oh, regardez, je brille. Bah, j'irai quand même. Ah ouais, ça t'a quand même... Ça t'a pas... Non, ok. Ça t'a donné envie d'y aller, soit. T'es la seule, hein, autour du plateau. Et c'est pas forcément dans le sens positif, hein. Ah, ok. En voilà, téléchargement, ça sera plus facile. Changement d'ambiance à présent. Vous l'aurez compris, avec ce thème lancinant de Kenji Kawai, on va parler du sujet qui fâche ce mois-ci, l'adaptation live de Ghost in the Shell. On salue notre ami Maxime au passage, tant il adore cette licence. Alors, est-ce que vous connaissez déjà l'univers Ghost in the Shell? Est-ce que ça vous parle? Ouais. Oui. Qui veut nous en parler? J'en ai beaucoup entendu parler, mais je l'ai découvert avec le film, justement. Et qu'est-ce que t'as pensé du film, justement, ne connaissant pas l'univers? Très bon, bon film d'action. Après, vu que je ne peux pas juger par rapport à l'univers, et apparemment c'est ça qui a fâché pas mal de fans, bah, pour moi, il était bon. Point. Une autre réaction? Qui l'a vu autour de la table? Morgane et Yann. Okay. Ouais. Et moi. Ouais, bah moi c'est un peu pareil que Morgan. Je connaissais ni l'univers de Ghost in the Shell, ni apparemment il y a eu un film à l'époque. Il y a eu un film en 95 et il y en a eu un deuxième en 2002, mais c'est des films d'animation. Voilà, mais j'ai vu aucun des deux et j'ai juste découvert par on va pas se mentir, par Scarlett Johansson. Non, j'ai découvert avec ce film-là, ouais. Et ça, je sais pas, j'ai bien aimé, mais sans plus en fait. J'ai trouvé beaucoup trop d'effets, trop appuyés justement, trop effets spéciaux, trop 3D pour montrer que le futur, tout ça. Et j'ai moyen accroché, j'ai bien aimé l'histoire, mais je sais pas, l'aria, j'ai pas trouvé ça ouf. Par rapport à l'aria, bon, je n'ai pas regardé les dessins animés. Par contre, j'ai vu des comparatifs. Après, je me suis un peu renseignée. Et apparemment, c'est repris quasiment plan par plan. Certaines scènes sont plan par plan celles de l'animé de 95. Oui, et c'est ça le plus dérangeant, je pense. Donc le fait qu'il y ait beaucoup d'effets spéciaux pour reproduire ça, je pense que c'est normal, c'est ce qui était visé, non? Sûrement, ouais. Ben, c'est un film de SF à la sauce hollywoodienne. Vous voulez qu'il y ait quoi d'autre? Oui, mais oui, mais tous les films hollywoodiens ont des effets spéciaux. Mais là, je trouve que vraiment, c'était... En parlant de ça, est-ce que pour vous, que Hollywood s'attaque aux adaptations de manga ou d'animé japonais, est-ce que c'est une bonne idée selon vous? Non, parce que personnellement, je connais un petit peu cet univers-là qui est l'univers de Ghost in the Shell, de ces mangas-là qui sont vraiment des mangas de fou, des mangas vraiment sombres. Il y a aussi Akira. Qui va être adapté. Ouais, voilà, je trouve ça terrifiant. Je trouve ça terrifiant parce que c'est un message qui est fait passer dans un contexte vraiment, vraiment particulier, qui est celui de la culture japonaise, qui est celui de l'histoire du Japon, les résultats de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, une vision du futur complètement dystopique, quoi, un futur absolument effrayant, une ville intelligente en fait où on est tous un petit peu surveillés. Je crois que c'est, enfin voilà, c'est aussi ça Ghost in the Shell. Après, je me demande comment ça se... Enfin voilà, moi ça me fait toujours peur d'aller voir ça par le prisme d'Hollywood parce que je me demande toujours qu'est-ce que ça donne, quoi. À titre personnel, j'ai trouvé que c'était un merveilleux remake de Robocop, mais une très mauvaise adaptation de Ghost in the Shell en fait. Et c'est ça le problème, c'est que le film prend toutes les valeurs du cinéma SF américain, tout ce qui est un peu progressif comme ce qu'avait fait Verhoeven à l'époque, mais sans tirer les leçons du film d'animation japonais ni s'intéresser à la vision japonaise de la question, quoi. Bah c'est peut-être ce qui m'a dérangé en fait, parce que on m'avait parlé de ce film avant que j'aille le voir et on m'avait dit justement c'est une adaptation de manga, etc. Et je me suis demandé où était le manga dans le film. Après je le connais pas, donc vraiment je peux pas juger, mais je me suis demandé où était le manga parce que j'avais vraiment l'impression de regarder presque un, je sais pas, pour extrapoler un peu, un Avengers, quoi. Enfin, tellement d'effets à la seconde sur chaque plan que tu... Le manga, pour moi, il est pas ressorti plus que ça, quoi. Après je l'ai pas lu, je l'ai pas vu, enfin voilà. On écoute un extrait de la bande-annonce pour... Allez, se faire une idée. Tu allais mourir. Nous t'avons sauvé. Et c'est ton tour de sauver les autres. Tout ce qu'ils vous ont dit était un mensonge. Qui êtes-vous? Ils ne vous ont pas sauvé la vie. Ils vous l'ont volé. une réaction à cette bande-annonce déjà ? Ça vous inspire quoi ? Bah, la bande-annonce en elle-même, elle inspire dans le sens où sans les images, on s'imagine plein de choses et du coup, il y a un côté un peu peur d'être déçu. Mais ça, rien qu'avec le son, ça pue les effets spéciaux à mort. Sachant qu'on entend quand même la voix de Juliette Binoche, qui est une actrice française confirmée, et je ne sais pas encore ce qu'elle fout là-dedans. Enfin, c'est pas la première fois que Juliette Binoche fait ce genre de choses. Elle est intervenue aussi dans d'autres films de science-fiction. Oui, dont Godzilla. Non, sinon, sur la bande-annonce, moi, elle me fait penser à Deus Ex. Elle me fait penser en effet, tu parles de Robocop. Elle me fait penser à Total Recall. Ouais, elle me fait penser à plein d'autres bandes-annonces de plein d'autres trucs qu'on a déjà vus, quoi. Donc, peut-être qu'il faudrait voir aussi. Peut-être que c'est de la mauvaise foi de ma part. Peut-être qu'il faudrait que je voie le film vraiment pour en avoir un véritable avis, quoi. Et pour finir cette actu. Allez, on termine ce tour d'horizon des sorties du mois avec une bonne note. Enfin, j'espère, à vous de me dire sur les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Alors, même question, qui l'a vu ? Moi. Morgane ? Alors, t'en as pensé quoi ? En dessous du premier. Ouais. Largement. Autant le premier, ça a été un grand kiff que je peux me revoir, mais tous les ans. Autant celui-là, une fois, ça m'aura suffi. Il est beaucoup moins développé au niveau des personnages et... il se passe pas grand-chose quand on y regarde bien. Eh ben, je vais pas être d'accord. Parce que moi, j'ai revu le premier après le deuxième et je le trouve pas assez abouti, le premier, justement. Le deuxième va beaucoup plus loin dans la construction des personnages, dans l'humour, dans l'univers. Chaque personnage a beaucoup plus de place, comme Nebula, par exemple, Karen Gillan, qui ne servait pas à grand-chose dans le premier à part à vociférer des ordres. Là, au moins, elle a une vraie personnalité et elle fait de vrais trucs à l'écran. C'est vrai. Autant là, j'avoue, Nebula, elle déchire tout. Après, j'ai l'impression que Gamora rentre dans l'archétype total de l'intérêt amoureux. Rocket est bien développé. Groot, c'est un comic relief. Oui, surtout maintenant, en baby voilà. Groot. D'ailleurs, comment évolue Groot dans celui-là ? Il est en baby Groot. Je suis Groot. Et il est puissant ? Non. Il est drôle. Ouais, ok. C'est le personnage comique du truc. Ok. Pour le coup, j'ai voulu aller le voir. Alors, j'ai vu le Gardien de la Galaxie, je me suis rematé hier ou avant-hier. J'ai voulu aller le voir, et puis bon, j'ai eu quelques problèmes, mais... On dérape à quoi ? J'ai eu un accident, mais du coup, ouais, je l'ai pas vu. Et pour le coup, c'est vraiment le film qui me donne le plus envie d'aller le voir, quoi. Je sais pas, le premier, pour moi, c'était un kiff, mais ultra puissant comme Morgane, quoi. La BO va aussi beaucoup plus loin dans le deuxième. Les choix sont beaucoup plus éclectiques et... beaucoup plus intéressant. N'en dis pas trop, je vais aller le voir. La BO, à la rigueur, c'est bon. Ouais, alors, sur Les Gardiens de la Galaxie, moi, j'ai pas vu le 2. Il se trouve que j'avais vu le 1 dans des conditions un petit peu particulières. Je crois que c'était dans un avion, parce qu'encore une fois, il est hors de question de payer de l'argent pour un ticket de cinéma, on respecte l'idée. Voilà, non, mais pas pour ce genre de film, pas pour ce genre de grosses productions. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est qu'est-ce que Marvel va faire ensuite. C'est-à-dire que là, ça fait 10 ans qu'ils ont lancé un truc assez énorme. Tout le temps des films, des super-héros, etc. Il y a des critiques qui sont venus de la part de George Lucas, de Steven Spielberg. Il y a eu des notices il y a quelques années qu'ils avaient fait, des articles qu'ils avaient publiés, arrêtez de faire des films de super-héros. Et là, apparemment, Marvel vient d'annoncer la fin. C'est-à-dire qu'il va y avoir un méga Avenger movie. Oui, avec les Gardiens de la Galaxie. Avec les Gardiens de la Galaxie. Et Doctor Strange. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner et qu'est-ce que ça va donner ensuite? Enfin, voilà. Pour rire de tout ça, il y a un truc intéressant à faire sur Internet. Ça permet de développer aussi un petit peu son anglais. Il y a les Honest Trailers. Les trailers honnêtes, où en fait, je pense qu'ils ont fait des bandes annonces honnêtes de pratiquement tous les Marvel qui sont maintenant sortis depuis, on va dire, depuis 2008, depuis le premier, depuis Iron Man. C'est assez drôle. C'est vraiment très très drôle. Ça fait du bien. Et dans un de ces trailers, ils disent, mais de toute façon, on est Marvel, donc on peut faire ci, on peut faire ça, on s'en fout, on vous emmerde quand on fait carrément ce qu'on veut, quoi. Et on en est arrivé à ce point-là que je trouve qui est un petit peu ridicule et dommageable. Mais c'est un point de vue qui n'engage que moi. Mais ça n'engage pas que toi. Beaucoup disent que ça a détruit le cinéma américain ou que c'est en passe de le faire. En tout cas, à force de surconsommer des films de super-héros dans tous les sens, il n'y a plus de place pour d'autres productions. Ouais, mais pour le coup, ils ont construit un truc qui n'existait pas avant, quoi. Enfin, j'ai l'impression que ça, sauf erreur de ma part, mais j'ai l'impression que ça n'existait pas avant de réunir comme ça, de faire un film pour chaque licence et en même temps de tout réunir en une seule. Est-ce que c'est le début d'une licence cross-média ? Est-ce que c'est le début d'autre chose ? C'est peut-être là que c'est intéressant. La question, c'est est-ce que le message de départ de ces BD-là, des Avengers, c'était quand même une vision de l'humanité qui est vraiment très particulière. Enfin, que ce soit X-Men, que ce soit les Avengers, c'est quand même des mythologies très particulières. Très américaines aussi, il faut le le dire. Très, oui, très américaine, mais c'est quand même une, c'est une certaine vision de l'homme. Voilà, c'est, il y a même, c'est à mourir de rire dans Kill Bill, il y a même une référence à ça dans Kill Bill 2, en fait, sur la mythologie de Superman. Il y a même un dialogue autour de ça qui a juste à se péter de rire, tellement il est absurde et hors contexte. Mais, voilà, mais est-ce que ça a survécu? Donc, voilà, ça reste à voir, mais c'est vrai que je penserais plus à dire que, ouais, effectivement, ça a détruit le cinéma américain actuel, parce que finalement, qu'est-ce qu'on voit? Il y a plus que ça qui ressort, je veux dire, en gros, dans le mass media, malheureusement, dans le flux. En bon comme en mauvais, on se souvient tous de la Suicide Squad, pour dire. Non. Je reviens toujours pas qu'il ait réussi à emporter l'Oscar du meilleur maquillage. On en avait parlé, la dernière émission. Je crois que c'est les deux seuls, justement, films de super-héros que j'ai vus. Donc, c'est Les Gardiens de la Galaxie, desquels j'avais entendu beaucoup de bien, et voilà, j'ai passé un bon moment, et Suicide Squad. J'ai regardé Suicide Squad. On m'avait dit tellement de mal de Suicide Squad qu'au moment où je l'ai vu, bah, en fait, j'ai pas été plus choqué ou pas plus déçu que ça. Tu m'étonnes. De toute façon, il n'y a pas grand chose à en dire de ce film, j'ai l'impression. Hein. C'est ça, non. C'est que tu ressors neutre, quoi. Tu l'as vu, t'as passé 1h30 devant, 2h, je sais plus combien d'heures, et puis voilà, quoi. C'est un film à voir pour passer le temps. Simplement, une fois que tu l'as vu... On va s'écouter un extrait de la bande-annonce des Gardiens de la Galaxie 2. Mais en préparant cette émission, j'ai remarqué que, pour nous éviter de spoiler un petit peu, le doublage a changé. J'espère que vous êtes prêts, parce qu'ils vont pas tarder. C'est un fusil ? T'as jamais vu de fusil ? Non, avant c'était plutôt moi les flingues, et toi les épées. Mais bon, apparemment tu t'es aussi mise aux flingues, j'étais pas au courant. Oh, c'est chaud. Je vois tout ça en vous. La peur, la jalousie, la trahison. Il est de notre devoir de débarrasser l'univers de ces tares. C'est drôle. On m'avait dit que vous étiez des crétins prétentieux. Mais c'est pas vrai du tout. Rocket ! Quoi ? J'avais un truc dans l'œil. Merci à tous pour vos avis. En attendant, c'est l'heure du Versus dans les allumés. Le Versus. Nouvelle règle pour ce Versus, cette fois-ci le chroniqueur sélectionné affronte l'auditeur et celui qui donne le chiffre le plus proche de la bonne réponse gagne le cadeau. Et le cadeau, c'est le DVD des Kremlins de Joe Dent. On a quelqu'un en ligne ? Oui, allô ? Allô, qui est là ? Bonjour, c'est Lucie. Salut Lucie, t'as déjà fait de la radio ? Non, jamais, c'est la première fois. Ah. Comme toi, il y a une première fois à 12. Tu te sens bien ? Complètement. Oui, je suis très heureuse d'être là parmi vous. Alors, je vais te demander de choisir un chroniqueur, je vais y arriver. On a Raph, comme toujours, Morgan, Aurélien ou nos invités. Allez, je choisis Morgan. Ah, Morgan. Alors, la question pour vous deux, on verra qui a le bon chiffre. Combien d'entrées le film Assassin's Creed a-t-il fait en France durant son exploitation sur notre territoire ? Alors, à 100 000 près. Je suis chronique de jeux vidéo et tu me poses une question sur ça. Eh oui. Ah là là. C'est pas moi qui ai choisi. C'est Lucie. Eh oui, bah oui. À combien de près on peut ? À 100 000 près. Non, c'est le plus proche, celui qui arrive le plus proche. C'est à 100 000 près pour l'instant. Ah. On départagera au plus proche. Allez, je vais dire 580. Mm-hmm. Une idée, notre chère auditrice ? 1000, hein. Peut-être ça... un peu plus. Au-dessus de 600 ? Donne un chiffre. Ah, 620. 620 000, hein ? On est bien d'accord. Oui, 620 entrées, c'est un peu... Oui, sinon je suis super loin, là. 620, c'est mauvais. Non, 620 000, oui. Enfin, je leur souhaite. Alors, les autres, vous avez une idée, selon vous, combien aurait pu faire le film Assassin's Creed ? En termes d'entrées ? Oui, mais nos invités ? Bah, j'aurais quand même dit plus d'un million, parce que... Assassin's Creed, les gens ont été curieux, donc je sais pas, 1 million... 1 million 6, 1 million 7, 1 million... 1 million 650, du coup, on va faire ça au milieu. Hein. Bah, 1 million, je me dis, déjà, t'as tout ce qui est rumeur sur les adaptations de jeux vidéo. Tu as tous ceux qui ne connaissent pas la licence Assassin's Creed, qui ne sont pas gamers. Oui, c'est vrai, mais il y a... Je vous rappelle qu'un film ne sort pas une journée. Puis tous ceux qui le voient, mais en dehors du cinéma aussi. Je dirais 800 000. Alors, vous voulez la réponse ? Vas-y. 1 782 941 entrées du 21 décembre au 17 janvier quand il est sorti. Ouais. Donc, tu gagnes, tu es la plus proche. Donc, tu gagnes Voilà, le cri de joie est passé. Tu gagnes le DVD des Gremlins de Joe Dante offert par les Allumés. Ah super, ah merci beaucoup. Bon, super super super loin, mais la plus proche quand même. C'est ça. Tu l'as quand même battu. Je vais revenir vers vous. Assassin's Creed oblige. Alors, du coup, à propos de votre association, c'était quoi le point de départ ? Alors, le point de départ, au début, c'était vraiment... à la base, c'était se revoir pour faire des shootings et des, on va dire, des vidéos entre cosplayers d'Assassin's Creed. Et on va dire qu'à force de faire des vidéos, voilà, aller en convention tous ensemble, on a décidé de voir plus gros, former une association et en même temps créer aussi une websérie. Et vous étiez que tous les deux à la base ? Non, on était, au début, on était, on va dire, 6-7 à peu près. Et là, on peut monter facilement, s'il y avait tout le monde, à 20 personnes à peu près. Oui, puis alors accessoirement, moi au départ j'étais carrément pas dedans. Ah, le cosplay d'Assassin's Creed pour moi est venu plus tard. Alors j'étais là, je faisais les photos, mais j'étais pas cosplayée moi-même. C'est quoi l'objectif d'un cosplay en soi ? C'est la ressemblance, le fun, avoir un peu d'imagination et s'ouvrir à l'univers ? Ou c'est quoi en fait le point de départ quand on est cosplayer ? Bah après, quand on est cosplayer, c'est surtout réussir son cosplay. Être, on va dire, plus dans le roleplay. Il y en a qui aiment vraiment être dans la peau de leur personnage. Il y en a, c'est, on en a certains, ils sont vraiment très, très, très à fond sur leur perso. Et comment on confectionne une tenue ? Le temps, l'argent Alors, il y a beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps, par exemple, on va dire, des armes, ça peut prendre 2-3 jours, comme ça peut prendre 1 mois, 2 mois. Et par exemple, l'arme que tu as amenée là sur le plateau ? Alors celle-ci, c'est tente de travailler 1 mois. Ah quand même. Ah oui, parce qu'il faut quand même, faut la poncer pour avoir vraiment la bonne forme. Après, il y a le papier mâché, il y a la peinture, il y a l'effet brillant, il y a pas mal de choses à faire. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans cette licence, dans la licence Assassin's Creed ? Bah moi, j'aime bien le. Moi, ce qui m'a tout de suite plu, c'est ben on va dire l'histoire d'Ezio. Donc à partir d'Assassin's Creed 2. Et moi, je me suis mis vraiment à fond dans, on va dire, à partir du numéro 2, parce que bon, Altaïr, c'était déjà bien. Le 2 a vraiment relevé, on va dire, encore beaucoup plus ce niveau avec Ezio. Personnage charismatique, voilà, assez, on va dire, assez foufou aussi. Donc, moi, j'aime beaucoup l'idée de ce personnage-là et l'action, voilà, ça. Puis l'histoire en elle-même est quand même assez fun, entre guillemets. Aller chercher un mec, lui dire, hey, toi, tu vas là et tu te retrouves dans le corps de ton enceinte pour. Non, de ton ancêtre, pardon. Parce que son enceinte, c'est difficile. C'est bizarre. Ça va, hein. De son ancêtre pour changer un peu l'histoire et tout. Puis mine de rien, il y a quand même des traces vraiment historiques dedans et ouais, c'est vachement intéressant. Et est-ce que vous comprenez les critiques qui sont faites sur les jeux, notamment trop de jeux, trop identiques, trop ressemblants à d'autres jeux, etc., etc. Bah après, moi niveau critique, moi je dirais qu'à partir du... on va dire du 3, voire après niveau Rogue, les trucs comme ça. Moi, j'ai mis une critique du fait où Desmond, qui était le personnage principal, après, on ne le voit plus. Et je sais que beaucoup de fans, justement, puisqu'on en parle régulièrement, voilà, ont justement arrêté de jouer à partir du 3, voire du 4, parce que, voilà, plus de... on va dire, c'était plus... il y avait plus Desmond, donc beaucoup moins de rapports, voilà, avec les premiers Assassin's Creed qui étaient toujours avoir un rapport avec Desmond, l'Animus, voilà, les choses comme ça. Le fil conducteur était plus là finalement. Ouais. Et votre meilleur souvenir sur un des jeux, ce serait quoi, un moment de gameplay particulier pour vous ? Est-ce qu'il y en a un ? Sur toute la licence justement qui est beaucoup trop longue en soi. Non, mais c'est dans tous les jeux du coup, ce que j'aime bien c'est les synchronisations parce que bah, le côté où on voit toute la ville et tous les machins de haut, c'est badass. Et puis, non, voilà, moi c'est ça. Moi, ça serait plutôt le saut de la foi d'Ezio dans Révélation. Quand il va pour être pendu et qu'il saute dans le vide, qu'il se rattrape et qu'il remet sa capuche. Où là, je trouve que c'est un moment qui est assez badass fort. Quand même, ouais, fort, ouais. Je me retourne vers notre équipe. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui jouent à cette licence ? Comme nos invités, je me suis arrêtée au numéro 3. J'ai un peu attaqué le Rogue à la fin de la vie de la PS3 parce que j'étais tombée dessus. Mais j'avoue, j'ai beaucoup moins accroché à celui-là. Mais c'est vrai que les premiers étaient vraiment classe et ils ont un petit peu révolutionné le monde du jeu vidéo après Prince of Persia, qui est donc été développé par Ubisoft et qui à la base était un spin-off des Prince of Persia. Donc on est d'accord que c'est une licence qui est quand même marquante dans l'histoire du jeu vidéo et qu'on en parlera encore dans une dizaine d'années, même si on continue de l'exploiter dans tous les sens. Si on continue de l'exploiter, elle risque de nous saouler, mais on s'arrête maintenant elle reste dans les annales. Ça a été beaucoup vendu, ça a été extrêmement bien accueilli. Il n'y a pas de raison que ça reste. C'est quand même une idée de génie, enfin. Moi, j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo il y a longtemps. Je joue beaucoup moins qu'aujourd'hui. Mais quand même, il y a un moment, en fait, l'année dernière, où j'ai pris une demi-heure sur une PlayStation avec Assassin's Creed 2, justement pour comprendre, pour au moins prendre le temps de comprendre. Et c'est vrai que c'est quand même une idée de génie, cette série-là, de lier, en fait, fiction et histoire comme ça, enfin voilà. Après, c'est vrai que ce serait bien aussi que ça s'arrête, parce ouais. que sinon, ça risque effectivement de se répéter ou d'entrer dans quelque chose. Mais apparemment, donc, la suite d'Assassin's Creed serait Watch Dogs. Ce serait maintenant les jeux vidéo autour des hackers. Il y aurait une volonté aussi de faire ce pont-là, comme quoi, ben, les assassins des temps modernes, ben, ce seraient finalement les hackers. Et ça, c'est assez intéressant. Ça reste à voir. Bah après, je sais qu'ils voulaient faire, on va dire, mais bon, ça, moi je dirais que ça ferait un petit peu trop, mais ils voudraient faire un Assassin's Creed, mais en Égypte. Ouais. Si ça se fait. Mais bah, après, en même temps, il y a tellement d'endroits qui ont été teasés. Bah après, moi je trouve que Syndicate, déjà, c'était déjà un petit être déjà trop. Il est bien. Le jeu est très très bien, puisque bon, comme voilà, nous on l'a fini et tout, mais c'était peut-être déjà trop. Et vous y jouez aujourd'hui par automatisme ou vous dites tous les ans il y a un nouvel Assassin's Creed, il faut qu'on l'achète? Non, on y joue parce qu'on a envie de le tester, on a envie de voir vraiment ce que ça donne, voir si vraiment voilà, il vaut le coup, s'il est bien. Bon, c'est vrai que niveau graphisme, on n'a pas été déçus sur le dernier, sur Syndicate, mais ça faisait quand même déjà peut-être un peu trop. Alors s'ils en sortent encore un... Il va y avoir un espèce d'effet Call of Duty, j'ai l'impression, exactement ça. Un peu. Par contre, c'est une, enfin, pour moi, c'est culte juste par rapport au décor, et puis même l'idée même de rentrer dans l'ancien temps, quoi, par une machine ultra moderne. Et puis c'est culte, je pense aussi par l'exactitude des faits, quoi. Il y a ce côté, on le disait tout à l'heure, historique, mais c'est au niveau des décors, je sais qu'ils avaient recherché des anciennes peintures, des anciennes gravures, etc., pour voir comment c'était fait, pour voir quel bâtiment était là, comment il était tombé, etc., etc., qu'est-ce qui avait changé depuis. Enfin, non, c'est, ils font vraiment des recherches ultra poussées pour pousser le réalisme au plus loin, et je pense que ça rentre aussi en jeu, bah dans le jeu, quoi. Et tous les assassinats qu'on a à faire, d'ailleurs, sont des personnes réelles qui ont existé et qui sont mortes exactement ce jour-là et à l'heure, normalement, où on les tue dans la série. Mmh. Ouais. C'est ça, ouais. C'est vrai. Ils ont poussé le vice jusque-là. Et on reste sur du gaming avec notre journal mensuel, et ce mois-ci, c'est Morgan qui s'y colle. Le journal du gaming. Alors, quoi de neuf dans l'univers des jeux vidéo? Bon, déjà, il y a 4 sorties dont j'aimerais bien vous parler. Et déjà, le prochain AAA d'Arkane Studio et de Bethesda. Donc, ça a été développé par Arkane Studio et c'est Prey. Il s'agit en fait d'un reboot de la licence. Donc, dans le jeu de 2006, on incarnait un indien Cherokee qui utilisait ses pouvoirs spirituels car il avait été kidnappé dans un vaisseau alien. Voilà. Faire un reboot après un seul jeu, c'est faisable? Eh ben, c'est faisable, c'est fait. Et cette fois-ci, donc, on est un sujet d'expérience sur une station spatiale qui se retrouve confronté à une invasion alien du appelés Typhon et qui ont la particularité pour les premiers monstres qu'on rencontre, d'être métamorphes. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver à taper sur tout ce qui bouge pour éviter de vous faire sauter dessus. Après, heureusement, on a un pistolet à mousse qui permet de paralyser les monstres. Un pistolet à mousse. Tu connais pas Yann? Non, là, comme ça, ça m'échappe un peu. C'est de la mousse expansive, en gros. Tu tires sur l'ennemi et il se fait paralyser. Ah, d'accord, à mousse en deux mots. Ok, d'accord. Heureusement, on retrouve Chris Avellan aux commandes du scénario, donc c'est le monsieur qui avait travaillé sur Fallout New Vegas, pour ceux qui connaissent, et un système de jeu qui ressemble fortement à celui de Dishonored. Bon, d'un autre côté, c'est Arkane qui s'en occupe, donc c'est logique. Après, il faut voir si le système s'adapte bien à un survival horror, on verra bien. Donc, il est disponible à partir du 5 mai sur Xbox One, PS4, PC, à peu près, pour la somme de 60€. Autre sortie qui me tient vraiment à cœur, c'est Little Nightmares. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est quoi? Des trailers. Eh ben, c'est le premier jeu vidéo de Tarsier Studio, qui est donc un studio européen. Parce que bon, tout ce qu'ils ont sorti pour l'instant, c'est des DLC, une adaptation de Little Big Planet sur Vita et un mini-jeu. Et les développeurs en soi, ils ont une expérience ou c'est leur premier studio? C'est pas leur première expérience. Ils avaient déjà bossé ailleurs, mais bon, ça fait déjà quelques années que Tarsier est fondé, mais là, c'est leur premier vrai jeu vidéo. Donc, c'est délicieusement malsain. On incarne Six, une petite fillette de 9 ans qui a été emmenée dans une station sous-marine qui s'appelle The Maw et où elle doit survivre en sachant que tout le monde essaye de la bouffer. C'est un classique. Exactement. C'est gay. Voilà. Elle a 9 ans. Ce qui est marquant, surtout dans les trailers, c'est l'immensité des décors, parce que vous êtes tout petit et tout est hyper dimensionné. Pour monter sur une chaise, il faut grimper, c'est-à-dire que l'héroïne monte des bras et grimpe dessus. C'en est à ce niveau-là. Il y a un côté Razmoked, en fait. Ma tête, je vois ça. Un peu, mais c'est beaucoup plus malsain. Tous les univers sont très noirs et tous les personnages adultes, donc, sont difformes. Très malsain, et donc vous pourrez le retrouver déjà depuis le 28 avril sur PS4, Xbox One et PC. Ça coûte à peu près 20€. Prochaine sortie, on va voir les enthousiasmes de la Master System. Alors, c'est quel jeu ? Ça m'avait pas manqué. Je sais pas, un truc de Sega déjà ? Oui, Master System. Eh ben, il s'agit de Wonder Boys Dragon's Trap. Et c'est considéré comme un des meilleurs jeux de la Master System, si ce n'est le meilleur jeu de la Master System. Et la licence la plus étrange au monde entre les Monster World et tout le Tawa. C'est vrai. Maintenant, il y a un remake donc, de numéro 3, donc The Dragon's Trap, qui est sorti par un studio français. Donc, qui s'appelle Lizard Cube. Il est extrêmement fidèle au jeu original, c'est surtout une refonte graphique qui a été faite. Et il est disponible depuis le 18 avril à peu près pour 20€ sur PC, Switch, Xbox One et PS4. La dernière sortie, il s'agit de The Caligula Effect. Et voilà, vous n'entendrez pas du tout parler de ce jeu. Tout simplement parce que déjà, il s'agit d'une sortie Vita. Et Vita, un miracle. Il y a encore des jeux qui sortent sur Vita. En dématérialisé. Ah oui, oui, d'accord, ok. Et qui a été produit par Atlus et développé par Furyun. Et si je vous dis Tadashi Satomi, s'il y a des fans de la série des Persona, ça devrait leur parler. Parce encore que un RPG. C'est un RPG. C'est le premier, attends. Oui, vas-y. Parce que c'est le papa de Persona, Persona 2 Innocent Sin, Persona 3 et Persona 2 Eternal Punishment. Pauvre Aurélien qui ne doit plus rien comprendre à ce moment-là. Il n'y a pas que lui. On va être perdu. Il n'y a pas que lui. Hein. Sur le plateau, on est tous un peu dubitatifs, mais oui, ok. Il a récemment bossé sur Folklore, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de nouvelles de lui. Après, le jeu sera beaucoup moins bon que le dernier Persona 5 qui est sorti début avril. Mais si jamais vous avez déjà fini le jeu, ce qui est peu probable parce qu'il y a minimum 80 heures dessus, et que vous en voulez un petit peu plus, ce sera parfait pour vous. Donc, ça sort le 2 mai, à peu près pour 40€, Super Vita, et en dématérialisé. C'est un peu cher. C'est bon ? C'est presque bon. Je fais les dernières news. Donc, les ventes de la Switch aux États-Unis, parce qu'elle fait encore parler d'elle, il y a 906 000 Switch qui ont été vendus aux États-Unis. Et 925 000 jeux Zelda The Breath of the Wild qui ont été sortis. Ça veut dire que les personnes achètent plusieurs jeux par console. Je t'arrête 30 secondes, mais la Switch, c'est une surprise pour vous qu'elle se vende aussi bien ou ouais, pas ? Ouais, complet. Non, pas du tout. Complètement, parce que pour moi, il n'y a rien d'extravagant sur la Switch, mis à part le principe de changer de manette, etc. Mais je veux dire, sinon, c'est de la Nintendo, quoi. Enfin, c'est des jeux bateaux. Enfin, il y a Link's, ok, qui a été... Zelda. Oui, Zelda qui a été promu, quoi, qui a été mis en avant, et c'était le jeu de la Switch. Après, elle ne m'intéresse pas plus que ça. Je ne sais même pas quel jeu dessus sorte. Mario Kart, bientôt. Ah, ils refont un Mario Kart ? Le même que la c'est Wii U. Ah oui, d'accord, ok. Justement, sur Zelda, l'histoire intéressante, c'est le joueur qui a fait bugger le jeu, qui a... Alors, est-ce que j'ai plus toutes les infos en tête, mais qui allait arriver sur une île où il devait pas arriver, enfin, sur une île à la fin, et ça a fait complètement bugger le jeu, parce qu'il s'est montré meilleur que le jeu. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui a volé pendant, on va dire, une vingtaine d'heures avec le deltaplane du personnage, Lynx, pour atterrir sur une île, mais une île que vous êtes censé trouver à la fin du jeu, pas au début du jeu, alors que c'était un joueur débutant. Ça a fait complètement bugger le jeu. Donc c'est une histoire assez marrante à retrouver sur le web. Alors moi j'ai su, info ou intox, à vous de me confirmer si vous avez plus d'infos, que la Nintendo cherchait des hackers. Il y avait une récompense en jeu pour celui qui arrivait à hacker la Switch. Oui, il y avait 25 000, il y a plusieurs entreprises qui font ça aujourd'hui. Ils demandent à des gens de donner les failles qu'ils peuvent trouver et gagnent des récompenses pour ça. Et là c'est quand même une assez grosse somme en jeu, donc s'il y a un hacker parmi nous ou qui nous écoute... faut être bon, faut être très bon, mais il y a une récompense quand même. Je vais rebondir sur ce que tu veux, parce que si t'es développeur, tu peux aussi bosser en France maintenant. Ah oui ? Oui, il y a une ouverture d'un nouveau studio Ubisoft en France, à Bordeaux, donc qui va employer à peu près 50 personnes et qui recrute. Donc le studio bossera principalement en collaboration sur des triple A. Merci. Voilà. Donc Just Dance, Tip, Ghost Recon. Attends, Just Dance, c'est un triple A ? Oui. Ok. Et il y aura aussi une ouverture d'un studio à Berlin si vous nous écoutez d'Allemagne. Et dernière news, les 25 ans de Kirby. que c'était le 27 avril. Et donc Nintendo en a profité pour nous annoncer que la disponibilité d'un jeu Kirby Crash Deluxe sur l'eShop gratuitement sur 3DS, la sortie de Kirby's Blowout Blast sur 3DS cet été, et l'annonce d'un nouveau jeu d'action en multijoueur encore une fois sur 3DS, qui est en développement, qui devrait sortir en hiver. Donc c'est simplement la preuve que Nintendo ne s'est pas focalisé sur sa Switch. Parfait Morgan, on note tout ça, mais pas le temps de traîner, c'est le moment de notre raf national, alias le Dézingueur. Le Dézingueur. On parle aujourd'hui des assassins, des êtres agiles, doués, furtifs, discrets et sans pitié, et justes, et enfin très adroits, et fidèles entre eux, et gentlemen, et subtils. C'est long. Ok, alors on enchaîne. Comme c'est un sujet sérieux, je prends cette voix grave, et sérieuse, et posée, et reposante, et très très chiante, non ? Bref, rentrons dans le vif du sujet. Rentrons dans l'univers du jeu, dans l'animus, dans la confrérie, dans notre vision du monde, dans... Tu recommences. Pardon. Ce jeu, inspiré de faits historiques, mais romancés, mais réels, bien qu'un petit peu inventés, mais tirés d'une histoire vraie... Mais rendez-nous le Dézingueur, le vrai ! Ah, parce que tu veux du Dézingueur ? Bon, ok, alors coupe-moi de cette musique. Merci. Salut à tous. Aujourd'hui, on va désinguer un petit singe nommé Desmond Miles. Loin d'être un assassin, à la base, c'est un barman. Du coup, comme on a des fans d'Assassin's Creed sur le plateau, je vous demande plusieurs questions. Et la première, c'est dans quel bar, si vous avez des infos, parce que j'en ai fait énormément dans Saint-Etienne et aux alentours. J'ai pas trouvé Desmond Miles, donc si vous avez une adresse, vous me la filez à la fin. Bref, on oublie de toute façon très très vite son boulot, puisqu'une fois dans l'animus, il joue son ancêtre, un assassin donc. Et comme je le disais tout à l'heure, les assassins ont la particularité d'être très efficaces et très discrets. Un peu comme les vers de terre. Détestés et tapis dans l'ombre, on leur doit tellement. Quand je prends un sujet, d'habitude, je le dézingue, mais là, c'est assez difficile pour Assassin's Creed parce que j'aime bien cette licence. J'ai pas joué à tous les jeux, certes, mais j'aime bien de temps en autre. Enfin, même si quand même, on parle d'un plagieur du jeu vidéo. Je m'explique. Prince of Persia sort son premier gros jeu en 2004 et boum, un Assassin's Creed sort en 2007. Prince of Persia sort un film en 2010 et boum, Assassin's Creed sort un film en 2017. Ça va de faire le M.Pokora là des jeux vidéo, ça se passe comment? Prince of C'est totalement Prince of Persia. Bref, ça me désole. À quand une vraie idée originale, innovante? Pourquoi pas un Assassin's Go? C'est bien ça, non? Tu marches dans la rue et oh, un ennemi sauvage apparaît. Joueur 1 sort sa lame. Joueur 1 gagne 500 points d'XP. Si tu arrives à échapper à la police, tu gagnes un bonus de 500 autres points. Ouais! Bref, une autre question qui me torture mon esprit de malade mental. Pourquoi sauter du haut d'un immeuble pour atterrir dans une botte de foin? D'ailleurs, au final, pourquoi sauter dans une botte de foin? Simplement. Je veux dire, quand tu sors de là, on te sent arriver à des kilomètres, ça sert à rien, tu dois puer la merde de chevaux, mais ça doit être horrible. Pourquoi pas sauter dans un mojito géant? Mais c'est vrai, quitte à sentir quelque chose, autant sentir la menthe fraîche, non? Enfin, y a que moi. En soi, je critique Assassin's Creed, mais aujourd'hui, j'avoue, je suis faible. J'aime beaucoup cette licence. Désolé de vous décevoir, mais sous ce physique de jeune homme aigri se cache un petit cœur qui bat. Donc je terminerai cette chronique en disant quelque chose de gentil. J'adore ce jeu. J'adore la physique de ce jeu, j'adore le personnage de ce jeu, j'adore me détendre en tuant des gens, j'adore pouvoir remonter le temps si jamais je commence à mourir, j'adore... Ça, c'est Prince of Persia, hein. Ah bon? Ah merde! Ah bon, bah non, alors, désolé, c'est Prince of Persia que j'adore. Non, en fait, Assassin's Creed, non, ça m'intéresse pas. C'est tout pour moi. Merci. Une réaction? Comme je te disais, à la base, le premier Assassin's Creed, c'était censé être la suite de Prince of Persia. Je sais bien, mais ça me fait rire quand même de dézinguer pour le plaisir. Une réaction, les invités, ou pas? La botte de foin. De base, je pense qu'on n'en ressort pas, en fait. Ah, on est d'accord. De base, t'es déjà mort, je pense. On est d'accord. Nous, on fait ça, on ne sort pas de la botte de foin. On reste par terre, démembré. Même si on ressort, bref, pour moi, c'est une question qui me taraude l'esprit depuis le premier Assassin's Creed. Pourquoi aller dans une botte de foin? Enfin bref. Non, ou dans la charrette. Oui, ouais. La charrette, logiquement, elle doit s'exploser quand t'arrives de si haut, quoi. Oui, mais heureusement qu'il y a des bottes de foin. Enfin, heureusement qu'il y a du foin, quoi, je veux dire. Parce que sinon, s'il n'y a pas de foin, tu plonges directement dans la charrette vide. Bon, bref. J'ai déjà contacté notre assurance au cas où, hein, parce que les fans d'Assassin's Creed, ils sont pas tous comme nos invités. Mais je pense qu'on va tous en avoir besoin. Marty, c'est ton focus. Le focus du mois. Aujourd'hui, Aurélien, tu viens apporter tes lumières sur deux films un peu hors du commun. Ouais, on a parlé de gros blockbusters, on a parlé de jeux vidéo, on était un petit peu hors de la réalité, gros budget, gros effets spéciaux. Moi, là, j'aimerais en fait revenir à la réalité, en fait, à la vie, à la vraie. Parce qu'être un nain allumé, c'est aussi parler des films bio, des films produits localement. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des films français, ceux qui parlent de la France ou ceux qui ont été produits en France, et faut pas avoir peur de le dire. Et quel est le premier film dont tu souhaites parler aujourd'hui ? Alors, le premier film, c'est Les Derniers Parisiens, réalisé par Amé et Ekwe du groupe de rap La Rumeur. Ils sont venus fin mars à Saint-Etienne, donc présenter leur film en avant-première. C'est un film réaliste, froid, tout en retenue, et c'est même ça qui en fait la beauté. Le casting est vraiment agréable parce qu'il y a des acteurs comme Reda Kateb, Slimane Dazi et Mélanie Laurent dans un film en fait vraiment à petite production. Il y a 51 copies qui se baladent dans toute la France, donc c'est vraiment pas énorme. De quoi parle le film ? En fait, c'est un film qui se raconte pas, ou alors qui se raconte comme une anecdote de bistrot. Voilà, c'est l'histoire d'un mec qui a un bar et qui va se le faire piquer. Mais c'est surtout un film en fait qui parle d'un quartier de Paris qui s'appelle Pigalle, qui est ce quartier de Barbès, qui est un quartier populaire, qui est un des derniers quartiers de Paris où on trouve des immigrés, des jeunes, où on trouve des loyers on va dire un tant soit peu correct, un quartier populaire où il y a peut-être encore des commerces de proximité. Et tout ça c'est en train de mourir en fait avec la gentrification de Paris. Et tous ces gens-là, toute cette population en fait qui a toute cette population est en train d'être poussée en fait à la périphérie. Donc voilà, c'est un petit peu ce que raconte ce film de manière très directe, très froid en fait. Dans la réalisation, on est très proche en fait des personnages, on est très proche des gens. Il y a jamais de grosse musique, il y a jamais un seul moment qui vient surligner l'autre. Il y a même un personnage de clochard en fait qui ne parle jamais. On sait pas pourquoi il est là et on se rend compte que c'est peut-être une métaphore du destin. C'est aussi intéressant parce que il y a une relation en fait entre deux frères, donc joué par Reda Kateb et Slimane Dazi, le petit frère qui revient qui est sorti de prison, qui revient au centre de Paris et qui a envie de se faire un nom sur Pigalle avec son frère. Et voilà, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas, je vais vous laisser le découvrir. Il y a un côté documentaire dans la mise en scène, non, comme tu nous en parles, on dirait. Non, justement. En fait, c'est là où c'est super intéressant, c'est que ils ont tourné le film dans les conditions du réel. C'est-à-dire qu'ils ont pris les acteurs au milieu de Pigalle, dans le métro, dans les rues, sans faire aucun moment de la régie, sans pousser personne, dans des bars. Et c'est ça qui est super génial en fait. Mais du coup, on le trouve où ? Enfin, tu nous as dit il y a 51 copies qui se baladent en France, mais sur internet, il y a moyen de le trouver. Ouais, je pense qu'il y a moyen de le trouver sur internet. Il y aura bientôt moyen de le trouver en DVD. Donc voilà, parce que faut savoir que c'est pas n'importe qui les deux Lascar quand même, mais Ekwe, c'est un groupe de rap, La Rumeur, c'est un des groupes de rap les plus conscients et les plus intelligents de France. Ils ont été quand même en procès pendant 10 ans contre Sarkozy pour outrage aux forces de l'ordre. Et donc ils ont mis pas mal d'énergie et d'argent en fait dans ce projet-là. Et je pense que si le film n'est plus diffusé maintenant au cinéma, je pense qu'il a fait quand même une certaine carrière, mais pas très grande. Je pense qu'aussi il faut espérer le trouver en DVD assez rapidement. Et le second film est lié à l'actualité, c'est ça ? Ouais, le second film en fait, ça se passe dans une ville d'Hénard, dans le nord de la France, et c'est un parti politique qui s'appelle le Bloc Patriotique qui essaye de le prendre. Et le film en fait s'appelle Chez nous, et il a été réalisé par Lucas Bellevaux. Donc nul doute que évidemment c'est derrière Hénard, c'est Hénin Beaumont, derrière le Bloc Patriotique évidemment c'est le Front National. Là, l'histoire qui est racontée est très intéressante parce que c'est une jeune infirmière qui s'appelle Pauline en fait, qui est une fille du coin, qui se retrouve pris dans la tourmente. En fait, on lui propose de devenir la candidate pour la mairie du bloc à la mairie pour le bloc patriotique. Et en fait, elle va découvrir en fait la réalité du parti, c'est-à-dire la réalité du passé du parti, la réalité des militants, le fait que très rapidement les gens partent vers d'autres horizons. Donc il faut savoir que si Lucas Bellevaux a fait ce film, c'est parce qu'il a constaté que suite aux élections municipales en 2014 du FN, il y avait eu beaucoup d'élus FN qui étaient tout simplement partis. Il y avait une grosse fuite, c'est-à-dire beaucoup de démissions dans les conseils municipaux. Et quel lien tu fais entre les deux films justement ? En fait, pour moi, ces deux films, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'ils nous disent quelque chose de ce que c'est que vivre en France en 2017. C'est-à-dire que d'un côté, on a le centre, c'est-à-dire Paris, qui est en train de complètement s'embourgeoiser. De l'autre, on a cette fameuse France des oubliés qui vire extrême droite. Et je trouve que c'est intéressant de regarder ces deux deux films, de croiser ces deux films, parce que ça nous dit quelque chose en fait de la vie des vrais gens, quoi, de ce qui se passe en ce moment dans notre pays. Et surtout, en fait, c'est pour ça que les deux sont intéressants, c'est pour ça qu'ils sont un petit peu les deux faces d'une même pièce, parce que ça parle de communautés qui malheureusement aujourd'hui ne se parlent pas entre elles et elles auraient beaucoup gagné à se parler. Merci Aurélien. On rappelle que Chez nous et Les derniers Parisiens sont sortis au mois de mars 2017 et devraient être disponibles en VOD et DVD très prochainement. Et pour reprendre un peu nos esprits, c'est parti pour notre première pause musicale. De retour dans Les Allumés et on reprend avec notre fameux quiz. Le quiz du PGM. Et on rappelle les règles, mais bon là, c'est de la gourmandise. Alors on a 10 questions, un point par bonne réponse et celui qui a le plus de points est le PGM du mois. Et tout le monde joue, c'est-à-dire que même les invités peuvent jouer, hein, si vous voulez. Petite nouveauté, cette fois-ci, il y aura des questions sonores. On y va ? C'est parti. Alors, première question. Naruto Shippuden s'est terminé le 23 mars dernier, mais combien d'épisodes animés compte selon vous la franchise Naruto ? Alors... Toujours des questions très très simples hein, dans les allumés. Toujours. J'ai dit selon vous, hein, je vous ai pas demandé une réponse pile exacte et... Il y a combien de saisons ? Beaucoup trop. D'accord. Il y a deux séries, je vous demande vraiment pour les deux séries. Ah, pour les deux séries cumulées. Le chiffre est rond. Les OAV, ça compte ? Non, ça compte pas. Le chiffre est rond. 480. Quand j'ai dit rond, il y avait des zéros dedans. 400. Plus. Je dirais 1200. Moins. 1000. Moins. 800. Moins. 600. Plus. 700. Donc ça fait 200 épisodes pour Naruto et 500 pour Shippuden quand même. On rappelle que pour les plus tristes, oui, il y en a. Ils peuvent retrouver Boruto, nouvelle génération, la suite de Naruto qui arrivera très prochainement en animé et qui est déjà là en manga. Ceux qui n'ont pas de vie, vous pouvez y aller. Oh, on critique pas les fans de Naruto, allez. Non, mais il y a beaucoup trop d'épisodes quand même. Faut avoir commencé dès le début, je pense. Ah là, à ce niveau-là, oui. Oui, surtout avec 700 épisodes de retard. On est d'accord. Et il y a beaucoup de hors-série surtout. Oh là là. Oui, par rapport au manga, oui, il y a beaucoup trop de fillers. Bref, continue. On part dans une galaxie très lointaine à présent avec cette question. Comment s'appelle le nouveau Star Wars en VF ? Les derniers Jedi. Ouais ? Et pourquoi je pose cette question ? Quel est le problème ? Parce que c'est The Last Jedi en anglais et donc il y a toute une polémique qui se fait autour de ce film, savoir si Luke va mourir et rejoindre Han Solo. Oui, sachant que pour le réalisateur, il n'y a pas de plusieurs Jedi, il n'y en a qu'un, et il est sûr et certain. Donc c'est nous qui avons foiré la traduction en VF d'un des plus gros films de l'année. Faut quand même le faire. Question suivante, qui dit ça ? J'ai vu ta sœur tout à l'heure et je peux t'assurer qu'elle m'a trouvé à la hauteur. Qui dit ça ? Oula, ça a l'air déjà d'être un ça vieux... peut être Christian Clavier ? Non. Ça pourrait. C'est une phrase de jeu vidéo. Ah ! Et elle est signée, elle est pas là pour rien cette phrase. On la réécoute ? C'est Dio. J'ai vu ta sœur tout à l'heure et je peux t'assurer qu'elle m'a trouvé à la hauteur. C'est Dio. Oui. Dans à quel moment, tu t'en souviens ? Ça, c'est quand j'ai il fait une... J'ai vu ta sœur tout à l'heure et je peux t'assurer qu'elle m'a trouvé à la hauteur. C'était dans le 2, j'ai plus, il y a la confrontation avec un fils de Templier, je crois. Non, c'est pas ça, je crois que c'est sur une mission où il, justement, il va... c'est, je crois, la mission où il va faire une... où il va tuer le mari d'une femme et je crois qu'il y a où il bat, je sais plus... Ouais, j'ai vu ta sœur tout à l'heure et je peux t'assurer. Non, c'est quand il venge sa sœur. C'est quand il venge sa sœur et tout, et du coup il lui dit ça, je crois. Il me semble. C'est au début du jeu, après le prologue, et c'est justement la confrontation avec le fils Templier. Morgane a donc raison. Deuxième question Assassin's Creed, celle-là je suis allé la chercher très très loin, je vous préviens. Qui a réalisé le film ? Est-ce que vous le savez ? Waouh, le blanc que tu as installé. Alors là, c'est pas Fassbender. Non, bah c'est pas encore moins Mario Petit. Hein. Qui selon vous a tâcheronné le film ? Je sais. Luc Besson. Ça aurait été bien. Non, je sais pas du tout. C'est le réalisateur du film Macbeth avec Michael Fassbender et Marion Cotillard, donc il est pas allé chercher très loin son casting. Ouais, oh, bah dis donc, ça c'est sûr, il est pas allé chercher loin. C'est le réalisateur Justin Kurzel, donc le mec aurait quand même passé de Macbeth à Assassin's Creed, faut quand même le faire. Ouais non, personne l'avait. Surtout que Macbeth était extraordinaire quoi. Oui, et pas Assassin's Creed. Bon. Ah oui, ça c'est sûr, le film, une catastrophe. Une question un peu plus d'actualité. Quelle est la dernière mise à jour de l'application Messenger de Facebook et en quoi consiste-t-elle ? Ça, c'est pour ma gueule. Là, médiation le blanc, numérique. Il est magique. Non, c'est pas la sortie de Messenger Lite. Explique. Bah, en fait, c'est une sortie, donc maintenant, on peut télécharger donc, un Messenger qui est allégé, c'est-à-dire sans vidéo, sans notification. Donc... un Messenger allégé. Non. Ah, c'est pas ça. C'est Messenger Day. C'est-à-dire l'application qui transforme Messenger en Snapchat et qui permet de faire des stories. Ah bah tiens. Et encore ce matin, il y a une autre mise à jour où maintenant il y a une bulle de plus où tu peux faire exclusivement que ça dessus. Et c'est assez horrible en soi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi, Snapchat et Messenger, c'est deux choses très différentes. Bah oui. Mmh. Oui, Messenger, ça fait partie de Facebook. Hein. Pour moi, c'est un service Facebook et Snapchat, c'est un truc à part quoi. Même si, bon, ça se ressemble un peu, mais pour moi, c'est un truc à part. Snapchat, c'est pas les mêmes utilisations que Facebook. Donc, le retrouver forcément sur le Messenger... Ça ne sert à rien. Question suivante. Sans être franchement malhonnête, au premier abord, comme ça, il a l'air assez curieux. Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement, on a dû arrêter la fabrication, il y a des clients qui devenaient aveugles. Alors, ça faisait des histoires... D'où vient cette réplique ? Mon Dieu, mais tu vas chercher des extraits ! De films cultes français ? Oui, c'est mais pas loin. Les tontons flingueurs ? Si. Ouh. Est-ce que tu te souviens de la scène ? Non, mais je crois... Je vois... Attends. C'est avant le référendum ou pas ? Ouais, c'est avant ça, ouais. C'est avant le référendum. Est-ce que tu veux qu'on écoute le deuxième extrait pour te situer ? J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Faut quand même même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Ouais, c'est quand il prend le contrôle de la. Ouais, c'est quand il prend le contrôle de la mafia en fait. C'est la scène dans la cuisine c'est où ça. Ils sont tous réunis et ils pleurent à force de boire ce truc innommable qui était de la vraie picole en plus. C'était l'occasion de tester ce qu'était une question sonore. Qui est l'acteur qui devrait remplacer Peter Capaldi dans Doctor Who? Est-ce que vous le savez? Vous avez regardé les rumeurs à l'actualité? Mais il y en a plusieurs. Il y a même une femme, je crois. Oui, mais il y en a un qui revient tout le temps. Est-ce que les invités ont une idée? Bah, non, mais je suis une fan de Doctor Who, mais les dernières rumeurs que j'ai vues, c'était au 1er avril, donc je les ai vite oubliées. Ah. En mode poisson d'avril. Peut-être pas. Ah ouais, peut-être pas. C'était qui? Le numéro 1 des bookmakers en Angleterre, c'est un certain Chris Marshall, qui est l'acteur principal de la série Meurtre au Paradis, qui est en train de quitter justement la série, donc qui pourrait très bien intégrer Doctor Who juste derrière. Vous avez révisé votre actu ciné ou pas? Non. Quand va sortir Alien Covenant de cinéma? 19 mai. Non. Ah, raté. T'es pas loin. J'étais sûr. Énorme. Le 15 mai. Bah, beaucoup plus tôt encore. Ah, ok. 10 mai. Le 10. Oui. Une question gaming. Quelles sont les deux plus gros sorties de la Switch qu'on attend ce mois-ci? Alors, il y a le Mario Kart. Ouais. Et par contre, c'est vrai qu'il y en a... Il y a pas mal de AAA qui sortent, mais il y a Splatoon qui sort en juin, il y a Odyssey qui sort en septembre. La plus grosse licence qu'on attend là, en plus du Mario Kart, c'est un Tetris. Mmh. C'est un Puyo Puyo Tetris. Ah oui, c'est vrai. Je m'en souviens. Ça, c'est pour se remettre en question, de se dire les sorties de la Switch, elles se font un peu avec parcimonie jusqu'à Noël. Waouh, ça venait de nulle part, mais c'était trop bien. C'était mon bruit de Kirby tout à l'heure. Question numéro 10, ultime question, question d'actualité. Qui a gagné le premier tour de la campagne présidentielle? Macron. Et on peut pas gagner tout seul. Marine Le Pen. Et ben voilà. Énorme cette question gaming. Ouais. Je vous propose, pour notre dossier, vu qu'on va passer au dossier des allumés, de revenir sur un phénomène mondial, la bêtise humaine. Oula. Les dossiers des allumés. Qui va parfois très loin, on va pouvoir le constater, vu qu'on s'occupe aujourd'hui des Darwin Awards, du nom de Charles Darwin, qui a théorisé l'évolution et la sélection naturelle, qui sont des récompenses ironiques nées en 93 sur Internet. Et pour être sélectionné, les règles sont assez simples. Il faut mourir de sa bêtise ou ne plus être capable de se reproduire après celle-là. Mais des idiots pas très finaux, il y en a des tas, pas forcément sélectionnés pour les Darwin, alors petit tour du monde de l'insolite. En Inde, un homme a alerté les autorités à propos d'un attentat pour esquiver les vacances avec sa femme. Quand tu préfères qu'un avion saute plutôt que de la sauter dans l'avion. Californie, elle drogue ses parents pour aller continuer à aller sur Internet. Et elle a acheté la drogue sur eBay. Ironie du sort, mais il y a toujours pire dans le monde. Ma préférée, Russie, son fils lui coupe Internet, elle le coupe en morceaux. Voilà, ça par exemple... Est-ce que, selon la fameuse phrase « c'est normal en Russie », ça reste à voir. Quoi? Oh, attention chérie, ça va couper. Bon, en fait, il avait juste changé le code de la Wi-Fi. En Virginie, il vole des iPhones dans un magasin et oublie son Samsung Galaxy sur place. Encore un qui a croqué le fruit défendu et qui s'est fait punir par le bon Dieu. Selon une étude scientifique, les études scientifiques ne seraient pas fiables. Et si elles ne sont pas fiables, ça veut dire que peut-être qu'ils ont eu tort et donc finalement qu'elles sont fiables, donc qu'ils auraient raison. Ouais, non, mettez-vous d'accord en fait. Maintenant qu'on a fait le tour, on a sélectionné quelques lauréats au Darwin, pas piqué des hannetons, on vous laisse juger. Brésil, un révérend s'est envolé avec 1000 ballons d'hélium accrochés sur lui, emportés par le vent, et il est retrouvé mort 3 mois après le décollage. Ce moment où tu tentes quelque chose et que Dieu te friendzone, magnifique. Un parachute fait maison. Oula, alors celui-là, il est balèze. Un homme sort une grenade et un pistolet pour détourner un avion et le faire revenir là où il avait décollé. Déjà, tu te demandes pourquoi il est monté dans l'avion si c'est pour le faire revenir là où il avait décollé, mais bon, bref. Mais n'ayant plus assez d'essence, l'avion continue sa route. Oh. Mais il décide alors de piller les passagers. Ah. Puis il ordonne de descendre en basse altitude pour pouvoir sauter de l'avion avec le parachute qu'il avait fabriqué lui-même. Et à partir de là déjà, ça sent la merde. Et en ce temps, il dégoupille sa grenade et jette la goupille à l'intérieur de l'avion en gardant le reste de la grenade dans la main. Et comme à aucun moment il a eu l'idée de balancer la grenade dans les airs, je vous laisse deviner la suite. Rires. Toutes ces histoires sont véridiques, c'est ça le problème. Vous pouvez tout vérifier sur internet, hein. Tout est vrai. Le pneu tueur. Allez, on est reparti dans les méandres de la débilité humaine. Un homme retrouvé poignardé à côté d'une voiture. Pour l'instant, c'est juste triste, mais... On a découvert par la suite qu'il crevait des pneus de voiture dans les alentours. Et vous connaissez le surgonflage ? Effectivement, un des pneus a éclaté en projetant l'arme vers l'homme. Encore un génie. Morgane ? Et vous avez vu le film Rubber après ? Oui, le film du pneu tueur, voilà. Ouais. Ah là là, il est temps de redescendre un peu, alors sans transition. Les assassins ont été envoyés dans le futur, dans notre présent. À la recherche de fragments de la pomme d'Éden, chaque minute leur est comptée. La pomme perd son pouvoir. Les assassins, comme les Templiers, apparaissent et disparaissent sans explication. Le temps est leur pire ennemi. Si les assassins ne reconstituent pas la pomme à temps et avant les Templiers, c'est toute une ère et un équilibre qui risquent de disparaître. Le temps est leur pire ennemi. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? Eh bah, le synopsis de la websérie, finalement, en quelques lignes. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette websérie ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Eh bien que, comme il est dit, les fragments, la pomme a été brisée, qu'on a plusieurs fragments éparpillés un peu partout, et que par conséquence, la pomme perd son pouvoir, d'où le fait que les assassins débarquent dans une autre époque. Tu peux rappeler ce que c'est, cette fameuse pomme ? La pomme d'Éden. C'est la pomme que les Templiers veulent à tout prix avoir et qui... J'ai envie de dire détruire l'humanité, dans le sens où, dans le film, ils la font en mode ça contrôle le libre arbitre, me semble-t-il. Je me rappelle plus du film. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire cette websérie ? Alors au départ, c'est parti d'une idée très comique, de faire quelque chose de comique pour nous, pour s'amuser. Et on s'est dit que déjà, les assassins dans le présent, on a un comique de situation. Et moi, en bon écrivain que je suis partie très loin avec des idées qui fusent. Et donc, on a lancé la pomme en se disant « Ouais, mais trouver la pomme, c'est trop traditionnel. Ah tiens, et si la pomme était brisée ? Et si, et ça ?» Et à partir de là, le fait qu'on soit très libre en matière de temps, du coup, d'époque, ça nous permet d'inclure des personnages, d'en enlever au besoin, et voilà. Et quelles sont les inspirations d'écriture, au final, par Assassin's Creed, justement ? Je sais pas, mon cerveau. Ce sont des idées venues de nulle part. Voilà. Non, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment des idées qui viennent de nulle part. Alors, on a le fil conducteur avec les assassins et la pomme d'Éden, mais sur tout le reste, on est vraiment dans du inventé à 100%. Et on est vraiment collé à la licence ? C'est-à-dire que c'est assez cohérent avec la licence en soi ou on prend des libertés quand même ? On prend des libertés quand même. Ça reste cohérent par rapport à la trame de base où on retrouve quand même, on a Ezio, Desmond qui sont là dans les personnages de la licence, donc ils se retrouvent face à face. Desmond qui est quand même censé être mort et qui se retrouve là, donc on ne sait pas le pourquoi du comment. Donc on a ce fil conducteur des assassins contre les Templiers qui représentent finalement le grand mal mondial. Et en même temps, on s'en éloigne parce qu'il y a beaucoup d'idées qui n'ont rien à voir avec. Et il y a aussi le fait que les assassins, donc du temps voilà, des Ezio, voilà, de ceux qui vont être là, vont rencontrer des assassins du temps de maintenant. Du présent. D'accord. Du présent. Ça sous-entend qu'il y en aura aujourd'hui, quoi. Voilà. D'accord. Et c'était quoi le point de départ ? Comment vous vous êtes dit, tiens, on va faire une web-série ? Bah, c'en est venu, voilà. On faisait beaucoup de vidéos, voilà. C'était des fois des parcours, des choses comme ça. De là, on s'est dit, pourquoi pas écrire un scénario, voilà. Donc, au début, c'était un petit scénario d'une ou deux pages, voilà, histoire de faire quelques scènes, voilà, faire deux, trois vidéos. Et après, on a tous décidé, enfin ceux qui étaient déjà là vraiment depuis le début, on s'est dit pourquoi pas créer une websérie par rapport à ça, avec nos idées à nous et les idées aussi du jeu. Et vous avez fait du cosplay à cause de la websérie ou vous en faisiez avant et que ça inspirait cette websérie ? Moi, pour ma part, j'en faisais avant. Ceux aussi du groupe en font aussi, voilà. Il n'y a pas que du Assassin's Creed, il y en a qui font du Final Fantasy, il y en a qui font de Black Butler, du Naruto, voilà. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est assez divers, oui. Divers et variés, ok. On reste sur le gaming avec Morgane qui nous parle du jeu vidéo dans la société d'aujourd'hui, enfin je crois. C'est ça, on va aborder un sujet qui fâche. Le Mac Game. Un sujet qui fâche. Un sujet qui est ressorti, encore une fois, peu de temps après la dernière émission et qui, depuis, a fait un petit peu de débat via la politique. Je tiens d'ailleurs à remercier Monsieur Cheminade pour la bonne tranche de rire qu'il nous a servie en nous révélant qu'il aimait nourrir les dindons dans Assassin's Creed. Heureusement, il n'a pas parlé de pigeons, les Français auraient pu mal le prendre. Je veux bien entendu donc parler de la place des jeux vidéo dans la société et surtout le fait que notre hobby fasse un si bon bouc émissaire. Car oui, puisqu'une personne a eu la mauvaise idée de tenter un meurtre de masse le mois dernier, les médias n'ont eu que deux choix. C'est soit une attaque terroriste, soit c'est la faute des jeux vidéo violents. C'est logique, pour eux, il ne peut y avoir que deux causes à tous les maux de l'humanité. Soit ça, soit ils pourraient peut-être admettre que la majorité de leur auditoire n'est pas si stupide et est capable d'envisager et de comprendre une situation complexe. Du coup, ils ont choisi les jeux vidéo. Une chance sur deux, quoi. Il est vrai que les jeux vidéo ont des effets pervers et néfastes. Il suffit d'écouter le reste des infos pour s'en rendre compte. Ah bah oui, ma petite dame, les jeux vidéo, ça rend violent, ça déconnecte les jeunes de la réalité, et en plus, c'est sexiste. C'est vrai que ce ne sont pas les seuls, le cinéma, la musique, la télévision, l'art en général abordent des sujets aussi semblables et pas toujours avec tact, mais ils sont là depuis beaucoup plus longtemps et ont gagné une certaine notoriété. C'est donc beaucoup plus facile de brutaliser le petit nouveau. Je me moque, mais... Ouais, un gamer, c'est violent. Avouons-le, on a tous un jour jeté notre manette de rage contre le mur à cause d'un boss un petit peu trop coriace, une énigme trop complexe, ou un autre joueur qui nous spammait, nous empêchait de jouer et ne nous laissait pas le temps d'appuyer sur le moindre bouton car c'est la seule façon qu'il a trouvé pour échapper à sa mort programmée. Et tu vas voir ce que tu vas prendre au prochain tournoi, Copain ? Ça sent le vécu. Pardon, je me suis un tout petit peu laissé emporter. Mais je crois que j'ai réussi à mettre le point, littéral et figuré, sur ce que je voulais dire. Un joueur frustré, tout comme n'importe quel être humain frustré, peut se montrer violent. Alors parents, si vous nous écoutez, ne vous inquiétez pas. N'éteignez surtout pas la console à ce moment-là, vous risqueriez de provoquer la Troisième Guerre mondiale en avance. Mais laissez un peu de temps à vos gamins pour se calmer, et vous verrez, vous récupérerez bientôt l'enfant que vous avez élevé avec tant d'amour. Ça marche aussi dans le cas où c'est un ami qui est touché. Enfin, sauf si vous l'affrontez en tournoi. Là, je vous conseille la bonne vieille technique du la qui sautille clinocyte de nos jours en git good. Punaise, c'est quand la dernière fois que t'as touché à une manette, mec, ou espèce de noob. Après cette frustration, qui la plupart du temps est très fugace, le gamer est une créature assez calme, qui n'a pas une once de méchanceté en elle, parce qu'il ou elle la passe justement à défoncer le moindre monstre qu'il va croiser en jeu dans l'éclaboussure de sang la plus cathartique qu'il puisse exister. Bon, en gros, les jeux vidéo, c'est notre boule anti-stress. Sauf quand on a un putain de tricheur en face. Alors, comment expliquer de telles effusions de sang dans la vraie vie ? Ah, je ne sais pas. La dépression, l'anxiété, l'agression gratuite, la pénible impression que quoi que tu fasses toute ta vie, cette dernière ne pourra être remplie que de la vacuité la plus terrible, te propulsant peu à peu dans le nihilisme le plus total. Ah bah oui, c'est la loi de Murphy. Et que faire quand on a un tel manque d'envie de vivre ? On se tourne peu à peu vers les univers loin d'une autre, où on peut s'évader, se libérer de notre quotidien. Et si on peut en plus se passer les nerfs sur des pauvres PNJ, ça fait du bien. Du coup, le jeu vidéo déconnecte les jeunes de la réalité. La preuve, on voit tous les jours une bande d'imbéciles s'inscrire en médecine car ils ont passé 3 heures sur Surgeon Simulator et sont donc persuadés d'être capables de sauver des vies. C'est aussi valable pour tous ceux qui ont joué à Ace Attorney, Gran Turismo, ou qui ont voulu adopter un chien après avoir joué à Nintendo Dogs. On appelle ça la sélection naturelle, et c'est en cours depuis des millions d'années. Voilà. Oups, pardon. On me fait parvenir qu'il s'agit en fait du phénomène inverse des personnes qui passent trop de temps à jouer plutôt que d'essayer à gâcher leur vie un peu de leurs rêves. Du coup, on va être sérieux 5 minutes. L'addiction aux jeux vidéo, c'est un sujet sérieux qui est extrêmement généralisé par les médias. Mais pour le traiter sérieusement, il faudrait que je passe une chronique entière. Il y a des développeurs qui sont en train d'essayer de trouver des solutions éthiques pour permettre aux joueurs de s'arrêter plus facilement. Il faudrait que je reste de bon goût, calme. Et cependant, il y a un autre problème, autrement grave, que je veux aborder dans mon programme et qui me tient à cœur. En effet, pour chaque joueur souffrant réellement d'une addiction au jeu, il y a 100 proches, lissant un peu trop des discours alarmistes venant nous casser les joysticks. Par joueur, on passe parfois plus de temps à convaincre ces irréductibles que l'on n'est pas addict qu'à jouer. On a invité un candidat à la présidentielle. Quoi, j'ai dit autrement grave, pas autrement plus grave, mais foutez-moi un peu la paix. Mais pour en revenir au sujet de la chronique, on tape beaucoup sur le temps qu'on passe sur nos petites consoles ou PC en oubliant les bénéfices qui en résultent. Il est prouvé que les gamers ont en moyenne une meilleure coordination psychomotrice et une meilleure capacité de gestion et de stratégie que les non-joueurs. En plus, quand le jeu est bien fait, il peut nous apprendre beaucoup. On ne compte plus le nombre de lycéens qui ont impressionné leurs profs grâce à ce qu'ils avaient appris dans Assassin's Creed. La série des Persona nous fait réviser la psychologie et même une licence aussi bourrine que God of War réussit à nous offrir une véritable tragédie grecque. Bon, les deux autres épisodes sont bien plus décevant de ce côté-là, j'avoue. Heureusement, il nous reste Kratos. Après, je dis heureusement, mais bon, j'en viens à mon dernier point et je ne peux m'empêcher d'être d'accord avec les médias cette fois-ci. Les jeux vidéo, c'est sexiste. Et vous, messieurs, chers auditeurs qui m'entendez, vous êtes les premiers à en faire des frais. Les standards établis par toutes les œuvres vidéoludiques sont inatteignables. Jamais, au grand jamais, vous ne pourrez avoir la carrure de Kratos, les pectoraux de Duke Nukem ou la force de des cuisses de Zangief. Il est inutile de vous entraîner. Jamais vous ne réussirez à écrabouiller les crânes de vos adversaires comme des œufs entre vos cuisses puissantes. Et je ne vous parle pas du cas de Trevor dans GTA V que vous pouvez décider de jouer en slip ou même en tutu, mesdames. Tout est fait pour nos yeux. C'est aussi pour ça qu'il y a un aussi grand nombre d'héroïnes dans l'industrie. Puissent s'identifier. Quoi, comment ça, il n'y en a pas. 10 sans regarder ma fiche. Lara Croft, Samus Aran, Yuna, Peach, Jill Valentine, Ada Wong, Clémentine, Sarah Kerrigan, Jade, Terra, Chun-Li, je continue ? Non, c'est bon ? Bon, voilà. Puis on peut pas dire qu'avec nos formes triangulaires, on fasse envie. Ah oui, si tout le monde était hypersexualisé, on pourrait presque croire que c'est fait pour vendre. Heureusement, ce n'est pas comme si quelqu'un allait aborder les jeux vidéo de manière faussement féministe, faudrait être bête. Ça ne servirait qu'à faire du mal à toute une industrie, détruire des emplois et encourager la censure, non ? Morgane, tu te rends compte qu'on est passé de Jacques Cheminade à la Marseillaise à ça ? Je sais. C'est une allumée. Définitivement. Oh mon dieu. En tout cas, merci. Et on attaque notre deuxième pause musicale pour redescendre un peu plus. Tour dans l'émission avec notre dernier jeu, on va tout de suite savoir qui aura les mots de la fin. Les mots de la fin. On rappelle les règles ? Un auditeur choisit l'un d'entre nous et on doit lui faire deviner 3 mots. Seulement, on n'a que 6 mots indices pour cela et on a quelques mots interdits. On y va ? Alors, qui avons-nous en ligne ? Allô ? Oui ? Gaël. Ah, salut Gaël, tu es prêt ? Oui, oui, oui. Déjà fait de la radio, moi ? Comment ? Déjà fait de la radio ? Pas du tout. Ah, ça sera une première, là aussi. Tu viens aussi de Saint-Etienne, Gaël ? Oui, tout à fait. Ah, tu sais que si tu gagnes, tu remportes Narnia 3. Super. En DVD, hein. Oui, oui, oui, oui. Ah bah oui, non. Alors, c'est pas un voyage, hein. Un voyage dans le monde de Narnia. Alors. Tu vas pouvoir parler aux lampadaires, tu verras, ils sont sympas. Alors, Morgane n'est plus choisissable, vu qu'elle a été choisie la dernière fois. Il reste donc Aurélien, Raphaël ou nos invités. Je te laisse choisir. Aurélien ? Alors, c'est Aurélien, parti. Voici les 3 mots en bas de la page à faire deviner. Donc, c'est les 3 mots en bas de la page. Oui, ne dis-les pas. D'accord. Te les balancer. Alors, je dis... D'accord. On peut l'aider un peu parce que bon, c'est pas forcément des trucs très simples pour lui. Alors, Premier mot. Premier mot. Je dirais flingue et baston. Flingue, baston, préhistoire. Ubisoft. Ouais, Ubisoft. Préhistoire. Flingue, baston, Ubisoft. 20 ans, au moins. 15 ans. 15 ans, ouais. Plutôt 15 ans. Plutôt 15 ans. Film. Oh, punaise. Malheureusement, oui. Film. Ah. Ils vont sortir ça en film. Film avec avec un Allemand. Comment il s'appelle déjà? L'Allemand, le réalisateur? Non, l'acteur. Je crois que c'est Til Schweiger. C'est ça. Til Schweiger, l'acteur allemand qui a joué dedans. Donc préhistoire, au moins 15 ans, Ubisoft. Très facile, ça, tiens. Et alors attends. Méchant caractère. La folie. Bon, tu l'as ou tu l'as pas? Qu'est-ce que c'est que la folie d'après toi? La folie, c'est de refaire toujours la même chose. Alors là. C'est bien trouvé, mais c'est perché quand même là. C'est bien perché, mais. Ouais, c'est bien perché, mais comme le reste d'ailleurs. je dois avouer. Alors. Tu as une idée ou pas? Ouais, voilà, une idée ou pas? Là, on a honnêtement. C'était Far Cry. Ah oh. Oh oui, d'accord, oui, bah, non, j'aurais vraiment pas trouvé. J'étais encore sur Turok, c'est le Activision qui me manquait. Suivant. Alors, Aurélien. Alors, le suivant, italien. Grande star. Personnage de fiction. Ah, j'allais dire Rocco Siffredi. C'est bizarre, j'allais dire la même chose, j'ai pas eu le temps. Ah, merci. Ça fait plaisir. On en a parlé pendant l'émission. Mais ils écoutent pas l'émission, on est en enregistre. Eh oui, bravo. Eh ben oui. Ubisoft. Ouais, Ubisoft encore. Renaissance. Assassin's Creed. Bah, presque. Florence. Le héros. Ezio Auditore. C'est ça. Ah, voilà. Et la dernière. On considère que s'il gagne le prochain, il gagne. Oui, deux sur trois, ça va. Alors, futur, voyage dans le temps, arme. Ah, lui, il est plus difficile. Il y a plus de mots interdits. Et c'est les mots interdits importants. Il y en a 5 qui sont sortis. Il y en a combien maintenant? À peu près, ouais. Il y en a 5 ouais, qui sont sortis. C'est sur le futur et en même temps c'est sur le voyage dans le temps. En fait, c'est des gens, ils peuvent pas, tu peux partir dans le temps mais tu peux revenir, et c'est la guerre entre les hommes et les machines. Terminator. Voilà. Parfait. Donc c'est gagné. Et tu gagnes quoi déjà, Raph? Narnia 3, hein, le DVD comme on a dit. Pas le voyage. Ça aurait été dommage. Ça aurait été pas mal. Oui, mais on n'a pas les moyens. Le DVD est très bien aussi, c'est génial. Ah, c'est cool. Arrêtez de nous réclamer des voyages. La dernière fois, il y en a un, il a failli partir à Auchan-Villard. Cette fois-là, non. En tête-à-tête avec Yann. Cette fois-là, au moins, on est soft. Tu gagnes juste... Tu gagnes le DVD, c'est déjà. Quand même beaucoup, déjà. C'est même génial. Et on revient tout de suite après ça. Bon, je reviens vers vous pour la dernière ligne droite de l'émission. Qui êtes-vous? Où est-ce qu'on vous retrouve? Rappelez-nous. Oh, on l'a déjà dit, voyons. Ouais. Qui sommes-nous? Nous sommes la faction Assassin officielle. Mm-hmm. Donc je suis Bétienne, la scénariste. Moi je suis Stéphane de la faction Assassin officielle et créateur aussi de la websérie Les Assassins du Temps. Vous êtes donc basé sur Lyon? Voilà. On est sur Lyon, on nous retrouve sur Facebook en tapant Faction Assassin Officiel, sur... YouTube, pareil, Faction Assassin Officiel. Sur Instagram aussi. Partout, quoi. Voilà, un lien internet, sur votre site, peut-être? Faction Assassin Officiel .wordpress.com. Et quels sont vos projets à venir, au-delà de la websérie, peut-être? S'il y en a un. Eh, la websérie, c'est déjà pas mal, hein. Ah bah oui, c'est quand le prochain épisode? Si, il y en a. Le prochain épisode sort en juillet, début juillet. Et oui, le temps qu'on monte tout, oui, parce qu'au lieu en plus d'être scénariste, je suis moi aussi la monteuse, alors. Combien de temps il y a entre les épisodes? Alors, pour l'instant, on va les faire sortir tous les mois, sachant qu'on aura quand même tout ce qui est teaser avant, parce qu'on aime bien être un petit peu méchant en disant « Hey, regardez ce qui vous attend, bah, vous n'en saurez pas plus ». Et on a aussi les making-of qu'on aime bien faire sortir, parce que les bêtisiers sont toujours drôles. Il y en a pas mal, ouais. Il y a beaucoup de ratés, hein. Ouais. C'est marrant. Ah bah, les tournages, en général, c'est souvent comme ça. C'est ça. Voilà, donc c'est un épisode tous les mois, finalement, à partir du mois de juillet. Et à chaque fois, il y a quand même de quoi patienter entre les teasers, les making-of et voilà. Un dernier mot. Rejoignez-nous si vous voulez participer à cette expérience en tant que figurant ou en tant qu'acteur. Vous pouvez nous joindre sur Facebook. Par message privé. Vous êtes les bienvenus. Et c'est là-dessus que s'achève notre spécial Assassin's Creed. On se retrouve le mois prochain pour toujours plus d'actu et de surprises. On remercie Benoît à la technique, les équipes d'RCF Loire de nous accueillir, nos invités d'être venus nous voir. Merci en espérant qu'ils se soient bien marrés avec nous. Oui, très bien. Et vous, bien sûr, de nous écouter. Vous pouvez nous retrouver sur SoundCloud, évidemment, sur Facebook, sur Snapchat aussi. Et grande nouveauté, sur Cinéma Radio, le premier dimanche de chaque mois de 20h à 22h. Et bien sûr, en podcast un petit peu partout. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas les paroles de l'ami Franck. Jouez bien, jouez intelligent, jouez avec les mains et pas avec les dents. À la prochaine. We'll be right back.